issus des ghettos français. Entassés à 6 dans un taudis, changer de vie, on en rêve tous. 12 décembre 2004, j'perds mon taf, pas d'acidic. Fallait que j'trouve un plan qui ramène de la faf assez vite. Chef de la MIF, une femme, un gosse, le cœur noué. J'rentre dans le biz, le poing serré, prêt à batailler. Investissement 300 E pour une plaquette de 100 G. J'sors de mon bloc pour aller voir Peps, lui il savait comment couper. On rentre dans la cave, à la lumière de la bougie. On coupe des lamelles, couteau à patate, format A4. Carambar, c'est bizarre que dans des moments aussi glauques entre potes, on se marre. On charbonne tard le soir, tu s'accélères, client. En mouvement, investissement dans le premier scooter en peu de temps. J'ai connaissance d'un type qui connaît un type qui lui-même me présente à un type. Ma seule et unique carotte, 4000 juste pour sortir un Glock. Prêt à tout pour me casser des blocs. Motherfuck, la police, le bif et toujours le bif. Instinct révolutionnaire, incitation à l'émeute quand il s'agit de la MIF. Outrage à agent, première peine dans le casier judiciaire. Tout s'accélère avec l'investissement de la BR. Génération Amsterdam, amnésia. Peu à peu le bis prend le dessus, mon fils né, les keufs me recherchent. J'ai le moral en dessous de tout. Le statut s'agrandit, ça papote dans les carrois. Quand je passe, ça complote en m'espace, tous des ingrats. Celui qui teste, je l'arrose de bastos dans le banditisme. Je fais mes premiers pas, frère, tu sais que ça s'arrose. Premier plan, chef d'entreprise, plutôt arrogant, qui tous les vendredis partait avec l'arsenal de son gérant. Tu bouges tes dettes, 14 000 euros, le moral était à la fête, tu sais, gros. Il n'y a que maille qui maille, je me mélange de trop, ça pue la flicaille. Sur le terre-terre, les keufs tournent toutes les demi-heures, les taux se resserrent, c'est tendu, j'esquive de justesse. Faut que je me fasse oublier, j'casse direction l'Espagna. Entre temps, j'ai mon troisième gosse qui naît dans toute cette pagaille. Entre le bis, la rue, la MIF, trop de mauvais choix et au final, les bras tendus de leur justice ici m'attendaient. Issus des ghettos français, le ghetto, la rage et du seum. Que Dieu me pardonne. Je vous dis merci.